Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Les Huskies de Rouyn-Noranda, on sait qu'on parle des fois à Gilles Bouchard parce qu'il vient de Normandin, mais les Huskies, si on se rappelle bien, Gilles Bouchard avait dit que c'était une année de reconstruction à Rouyn-Noranda, mais quand j'ai parlé à Gilles, certainement qu'il pensait pas qu'un gardien de but d'Alma allait faire aussi bien cette année, c'est Samuel Harvey. Et Samuel Harvey a été choisi il y a quelques semaines, gardien de but par excellence de la Ligue canadienne de hockey, non de la Ligue Junior du Québec, mais de la Ligue canadienne de hockey. Et là, maintenant, les Huskies, 10 victoires de défaite, et on parle avec le principal intéressé, Samuel Harvey, qui fait que les Huskies sont en tête. Salut, Samuel! Salut, ça va? Oui, ça va bien. Samuel, est-ce que... Moi, je t'avais parlé l'an passé dans la série contre les Sags, vous étiez deux gardiens de but, il y avait toi et il y avait Olivier Tremblay également, un autre de Chicoutimi. Olivier a été envoyé en Ontario, a été libéré, et on t'a laissé toute la porte. Est-ce que le fait d'avoir été nommé gardien de but numéro un, ça t'a donné cette dose de confiance-là? Je te dirais que oui, en effet, là, ça l'a aidé beaucoup là, à me donner confiance au début de la saison. Tu sais, moi, je suis arrivé au camp, puis je savais au camp dans ma tête que je voulais ce spot-là, puis je m'étais préparé fort pour. Fait que c'est sûr qu'en arrivant au camp, puis en ayant la confirmation, c'est sûr que ça a été un bon bout de confiance. OK. Ça, vraiment, les Huskies, quand je parlais avec Gilles, il disait, on est en année de reconstruction. C'était pas compté après vraiment le fait que tu dominais cette année. Là. C'est certainement qu'on s'attendait pas à ça du côté des Huskies. Est-ce que toi, tu t'attendais vraiment à avoir ces chiffres-là? Je te dirais que moi, avant saison, je pense que même moi et toute l'équipe au complet, on regardait pas vraiment les chiffres et on voulait pas se mettre de buts en quantité, mais tu sais, nous autres, on voulait juste vraiment donner notre maximum puis y aller à chaque match comme si on voulait juste donner tout notre maximum à chaque match. Fait que nous autres, c'était vraiment notre but au début de la saison. C'était ça, on n'avait pas de quantité, puis je te dirais que maintenant, là, on suit plus le processus. Même si on est premier au classement en ce moment, je pense pas que c'est ça qu'on regarde. On regarde vraiment le processus. On veut s'améliorer à chaque match. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. Puis je pense qu'en ce moment, même si on s'améliore à chaque match, on est capable d'avoir des victoires. Fait que c'est quelque chose de positif pour nous. Mais comme je te dis, on regarde juste le processus. OK. Vous étiez dans les Maritimes en fin de semaine. Ça, c'est un voyage qui est vraiment qui est fait pour bien cimenter l'esprit d'équipe. Hey, c'est comment d'ailleurs de Rouyn-Noranda des Maritimes? Ça doit être épouvantable. Quand les Sacs de fond, c'est déjà beaucoup. C'est ça. C'est quand même c'est un bon nombre. Je te dirais que c'est environ une vingtaine d'heures à aller des Maritimes. Mais je pense que quand tu es à Rouyn, il faut que tu sois conscient de ça. Puis c'est pas quelque chose qui nous dérange les joueurs. On est prêt à ça. Je pense que l'équipe aussi, dans ces voyages-là, elle nous alimente bien, elle fait attention à nous. On couche dans des bonnes hôtels. Fait que, il n'y a pas de problème pour nous, c'est juste que c'est sûr que le fait que c'est un petit peu long, mais ça, c'est, je pense que quand tu viens à Rouyn-Noranda, tu sais que tu vas avoir besoin de faire face à ça. Fait que tu es prêt mentalement. Il n'y a pas de problème pour nous autres, pour les joueurs. Okay. Mais certainement qu'un voyage comme ça, c'est l'idéal aussi pour cimenter l'esprit d'équipe. Là. Tu sais, les longs voyages comme ça. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. C'est clair. Oui, hein? Ça, c'est clair. On est parti la semaine passée, on est parti le mardi, puis on est revenu le lundi matin. Fait que, t'sais, on passe une semaine ensemble, là, ça paraît, puis je pense que ça, pour nous, c'est bon, t'sais, c'est justement, je pense qu'on a peut-être un avantage sur les autres équipes comme ça, c'est qu'on est beaucoup ensemble. Fait que, t'sais, à la fin de la saison, je pense que ça peut faire une différence. OK. Tu vas participer au défi, c'est l'ancien défi Subway, je me rappelle plus comment ça s'appelle maintenant, le défi Canada contre Russie. Et il y a des matchs de la Ligue de hockey junior du Québec contre les Russes, et également de l'Ontario et également la Ligue de l'Ouest. Ces matchs-là, Samuel, sont-tu importants pour vont être très importants pour toi? Les dépisteurs te connaissent déjà, mais avec la saison que tu connais, c'est encore probablement d'autant plus important pour peut-être à attirer les regards des recruteurs encore davantage, même si tu te connais? Ouais, non, c'est clair. C'est comme tu dis, c'est des matchs qui vont être importants pour moi. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des recruteurs là, mais pour moi, là, je vais aller là-bas, puis tu sais, je vais juste donner mon maximum. Je vais focusser sur la game que je vais jouer, parce qu'on va être deux gardiens, donc on va jouer chacun un match. Fait que je vais juste focusser sur la game que je vais jouer, puis on va voir ce qui va se passer après. Si les recruteurs m'ont bien aimé, tant mieux. Sinon, ben, tu sais, ça va être à moi de mettre encore plus d'efforts là-dedans. Puis tu sais, je pense que ça fait un petit bout que je suis dans la ligue. Fait que je pense qu'ils me connaissent aussi. Donc c'est juste à moi d'y aller puis de me donner mon max. Puis si à la fin je peux avoir peut-être des offres ou des bons mots, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas grave, je vais redoubler l'effort. Puis c'est sûr que pour moi, il n'y a rien de fini. Maintenant, là-bas, c'est une belle expérience. J'ai super hâte. Jouer contre les Russes, ça va être incroyable. Puis je pense que j'ai mixé cet honneur-là. Fait que je suis vraiment content de pouvoir y aller. OK, Samuel, est-ce que là c'est sûr que ça va dépendre du classement. Là ça continue même, vous ne serez pas acheteur les Huskies, vous ne serez pas vendeur, vous allez être acheteur. Mais est-ce que on t'avait parlé de cette possibilité-là que tu pourrais être échangé au fait? Non, ben, tu sais, moi, dans le fond, on n'en a pas parlé encore. Okay. Je pense que les fêtes, c'est encore très loin. Ouais. Même que Gilles Bouchard doit avoir le même discours, là. On va vraiment attendre d'être rendu là. Tu sais, les joueurs, je pense que nous, notre job en ce moment, c'est de démontrer à Gilles qu'on veut gagner. Parce que, tu sais, oui, dans sa chambre-là, tu sais, tous les joueurs veulent gagner. Puis, en ce moment, on fait bien. Ça va être à nous de le continuer. Tu sais, si au fêtes, on est encore premier, ben, tu sais, honnêtement, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire un coup. Je pense que justement, cette année, dans la Ligue, si on regarde, les équipes sont peut-être un petit peu tous égales. Fait que c'est peut-être justement un bon moment pour nous d'y aller. On a un bon groupe de joueurs, on a un bon groupe d'entraîneurs. Fait que pour nous, je pense que c'est cool. Parlons-en de Gilles. Moi, j'y parle assez, des fois de temps en temps. Gilles, c'est un excellent entraîneur. Il semble être un excellent entraîneur depuis qu'il est arrivé à Rouyn-Noranda. Il fait vraiment tout un travail. Pour les joueurs, il est comment? Pour les joueurs, je te dirais que Gilles Bouchard, là, c'est un gars qui investit dans nous, qui investit ouais. le temps. Puis je pense qu'il est vraiment à notre écoute. Puis oui, c'est quelqu'un qui est, je te dirais, exigeant envers notre effort, mais ça, tous les coachs le font. Ouais. Mais ça paye au bout de la ligne. Là, c'est juste normal. Fait que les joueurs ils comprennent ça. Puis c'est une super bonne personne. Fait que pour nous autres, c'est avoir un coach comme Gilles Bouchard, c'est super positif. On est chanceux de l'avoir à Rouyn-Noranda. Je pense que toute l'organisation l'aime, les joueurs aussi, c'est juste positif. Okay. Samuel Harvey, félicitations pour ton début de saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda, puis bonne chance pour le reste de l'année. Merci beaucoup, Danny. Gardien de but original d'Alma, Samuel Harvey.